Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Je suis un passionné aussi par l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Je me pose un certain nombre de questions et je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Je n'ai pas pu moi-même en voir, je n'ai pas étudié spécialement la question. Jeanne revient. De François Perrache. Réalisation Cédric Ossir. Deuxième épisode, le diable est dans le détail. Non mais est-ce que 6 millions de morts. Est-ce que vous affirmez. Non, pardon. Je l'ai compris, mais. Non mais 6 millions de morts, comment c'est. Juifs. Oui. Comment osez-vous, mais comment osez-vous, vous pouvez vous en faire des cocottes en papier de votre scénario. Mais c'est vous qui m'avez toujours dit que vous rêviez d'être comédienne, c'est une occasion en or. Ariane, écoutez-moi, cette scène en petite tenue sera juste évoquée dans le film. On verrait évidemment pas... Sortez. Vous sortez. Ariane, c'est mon bureau. Ariane, ouvrez. Ouvrez. Et qu'est-ce qui se passe encore, Benjamin? C'est Ariane qui est très énervée, elle s'est enfermée dans mon bureau. Ariane! Poussez-vous, laissez-moi faire. Ariane! Ariane, c'est Monsieur Poulidor! Qu'est-ce qui se passe? C'est Ariane qui s'est enfermée dans le bureau de votre frère. Encore? Et qu'est-ce que tu lui as dit? Rien, c'est juste que... Oh là là là là là là! Vous ne devriez pas boire tant de café, Ariane! Je ne bois pas tant de café! Qu'est-ce qui se passe? C'est à cause de Monsieur Maglan! Encore? Ah, j'ai rien fait, moi, maman, c'est lui! Mais qu'est-ce que tu lui as dit, Benjamin? Rien, c'est juste que... Quoi? Sans m'en parler! Mais si elle joue, ça fera des économies pour la production. Ah, c'est sûr que vous, sous cet angle... On ne la paierait pas? Et il suffirait de modifier un peu son aptitude de poste. Bon. Ariane? Ariane, c'est moi. C'est très bien, non? Si Benjamin vous a trouvé un petit rôle, vous avez toujours rêvé d'être actrice. Oui, actrice, oui, mais pas dans les films, des films. C'est honteux! C'est honteux ce qu'a fait Monsieur Benjamin! Tu lui as proposé de jouer qui? Marion? Non. Marine? Oh non, pour Marine, elle est pas assez. Mais quel rôle? Tu lui as proposé de jouer qui? Pierrette. Quoi? Sans m'en parler! Ça m'a fait lire l'opération Bonne Maman! Là, mais c'est une honte! Oui, moi je vais être actrice, mais jamais, jamais je ne jouerai ça! Elle va tout péter, là! Bon, Ariane! Ariane, écoutez-moi. Vous avez ma parole, on va vous trouver un autre rôle dans le film. Un rôle qui vous plaira. Du sur-mesure. Pas Pierrette, promis. Pas Marion, pas Marine. Oui, mais quel rôle alors? Ben, je sais pas, moi. Il faudrait lui écrire un petit rôle supplémentaire. Jeanne d'Arc! Ariane, vous pourriez jouer Jeanne d'Arc! Quoi? Jeanne d'Arc? Non, mais t'es bête, t'es complètement... Elle s'est calmée, là, non? Jeanne d'Arc? Non, si. Ben si, évidemment, bien sûr, oui, Jeanne d'Arc. Oh putain. Mais ben oui, c'est une fiction, on peut ajouter le personnage de Jeanne d'Arc, on doit ajouter Jeanne d'Arc, essentiel Jeanne d'Arc, indispensable. Comment on n'y a pas pensé plus tôt, Darius, hein? Maman, qu'est-ce que t'en dis, Jeanne d'Arc, c'est une figure incontournable pour raconter le FN. Mais ça vous plairait, Ariane, de jouer Jeanne d'Arc? Mais maman... Bah oui, Jeanne d'Arc, il faudrait juste que je me coupe les cheveux au carré peut-être, non, mais... Bon, voilà, une petite coupe de cheveux et... ou une perruque, et hop. Mais non... Et oui, Jean-Marie appelle Jeanne au secours pendant la manif du 1er mai, Jeanne entend son appel et elle redescend sur Terre. Non. Jeanne non, d'Arc non, redescend sur Terre. Oui, mais c'est de la fiction, on fait ce qu'on veut. Jeanne redescend sur Terre et elle cherche celui qui l'a appelé et elle rencontre la famille Le Pen qui lui raconte toute sa vie. Oh putain. Et Jeanne, ce serait un personnage important dans l'histoire ou juste un petit rôle? Important, évidemment. Central. Essentiel. C'est un peu à travers Jeanne qu'on comprendrait toute l'histoire des Le Pen. Oh putain. Voilà, ça me donne une idée. Une idée pour le titre. Ah non, non, non, non, non, non, non. Et ça s'appellerait comment? Jeanne, au secours! François Ossir, Cédric Perrache et les productions Maglan présentent Jeanne revient. La véritable histoire de la famille Le Pen. Bientôt sur vos écrans. Enchantée. Ah. On se fait la bise. Oh, bah. Il paraît que tout le monde se tutoie et se fait la bise dans le cinéma. Hein? C'est ton premier tournage aussi. Moi, je suis Jeanne d'Arc. Pardon? Je t'expliquerai. Ariane, je te présente Jean-Marie, qui va jouer Jean-Marie. En fait, je m'appelle pas. Ça te dérange pas que je t'appelle Jean-Marie? Ouais, je trouve que c'est mieux. Comme ça, t'entres direct dans la peau du personnage, acteur studio. Je suis sûr que tu vas être super dans le rôle. Tout le monde est enthousiaste. D'ailleurs... Darius, viens, s'il te plaît. Je vais te présenter mon frangin, on travaille en petite équipe familiale hyper soudée. Darius, je te présente Jean-Marie, qui va jouer Jean-Marie. Enchanté. Enchanté. Darius, donc. Normalement, je suis l'historien de la famille, mais là, je vais faire la prise de son pendant que Benjamin filme. En tout cas, bienvenue, donc, Jean-Marie. Jean-Marie, c'est bon, pas bon. Allez, faut qu'on démarre la répète. Faut profiter qu'il pleuve pas et qu'il fasse jour. Donc, là, juste pour cette première scène, Ariane, je vais te demander de jouer Pierrette. Non, j'ai dit pas Pierrette. Pas Pierrette. T'inquiète, on te verra pas. On va juste faire ce qu'on appelle une amorce sur toi. On te filme pas, on te verra à peine, de dos, avec une perruque. Tu joues juste la silhouette de Pierrette, et nous, on ne filme que le visage de Jean-Marie. La silhouette? Ah. Ok. Parce que moi, je joue Jeanne, hein, pas Pierrette. Mais quelle Jeanne? Laisse, il t'explique. Bon, on s'y met. T'as bien pris l'urne, Jean-Marie? L'urne? Ah oui, l'urne. Eh ben, oui, je l'ai posée là-bas, là, au pied de l'arbre. Mais elle a vraiment eu lieu, cette scène qu'on va filmer? C'est un peu gros. Si, elle a eu lieu. J'ai juste un peu réécrit les dialogues, mais elle a eu lieu. Une vraie scène de polar. D'ailleurs, Darius, tu veux bien redonner le contexte de la scène à Jean-Marie et Ariane, s'il te plaît? Le contexte. Ok. Donc là, la scène qu'on va tourner, c'est un épisode qui précède ce qu'on a appelé plus tard l'opération Bonne Maman. L'opération Bonne Maman, c'est le nom de code qui a été donné à une série de photos dénudées, disons, que Pierrette Le Pen a faites discrètement à Montretout en 87 pour le magazine Playboy. Ah oui, je m'en souviens, je l'avais acheté. Ah bon? Bon, enfin, par curiosité. Hein. Juin 87, gros succès. Playboy a même dû réimprimer plus de 100 000 exemplaires. Mais là, on est 2 ans plus tôt, en 1985-86. L'année d'avant, Pierrette a rencontré un journaliste qui était venu à Montretout pour écrire une biographie de Le Pen. Elle tombe amoureuse du journaliste et elle finit par demander le divorce. Jean-Marie est furieux, évidemment. Procès. Mais Pierrette n'obtient pas de pension alimentaire et doit, au contraire, verser des dommages et intérêts à son mari. Elle se répand dans la presse contre lui et les trois filles Le Pen se fendent même d'un communiqué en janvier 86 pour soutenir leur père contre leur mère. Bref, la famille se déchire. Vas-y, abrège, Darius, raconte la scène qu'on va tourner aujourd'hui. Bah, tu me demandes le contexte, je contextualise. Donc, le divorce se passe mal et il se trouve que Pierrette, en se barrant de Montretout en 84, emporte dans son Vanity Fair l'œil de verre de secours de Jean-Marie. Non, c'est pas possible. Si. Et Jean-Marie, de son côté, retrouve dans un placard de Montretout l'urne funéraire qui contient les cendres de la mère de Pierrette. Non. Si. Et il décide de les échanger. Non, c'est pas possible, non. Si. Mais c'est quoi le lien avec Playboy? Cet échange de l'œil de verre et de l'urne, il a beaucoup tendu leur rapport au moment du divorce. Et Jean-Marie Le Pen a eu le malheur de dire dans une interview au magazine Playboy qu'il ne voulait pas donner de pension alimentaire à son ex-femme et que si elle avait besoin d'argent, elle n'avait, je cite... qu'à faire des ménages. Non. Si. Et en juin 87, Pierrette, pour se venger, pose en soubrette un plumeau à la main dans le même Playboy. Oh, c'est génial. Franchement, elle était pas mal, la mère Le Pen. Hein. Mais aujourd'hui, on en rigole, mais les ravages sur les filles Le Pen ont été considérables. Bah, je me mets à leur place. Un mois après la publication, elles ont donné ensemble une interview à Paris Match dans laquelle elles disent carrément... Aujourd'hui, après ces photos, nous ne pouvons plus la considérer comme notre mère. Oh, c'est horrible. La plaie mettra presque 20 ans à se refermer. Pendant des années, Pierrette n'a pas vu ses filles, n'a pas été invitée au mariage, n'a pas vu ses petits-enfants. Ah, la pauvre. Tout ça a démarré avec cet échange entre Pierrette et Jean-Marie. En réalité, l'échange a été fait par leurs avocats respectifs. Je ne sais plus qui représentait Le Pen, mais ce que je sais, c'est que c'est Gilbert Collard qui était le nouvel avocat de Pierrette et qui est venu, avec l'œil de Le Pen, récupérer l'urne. Bon, mais nous, pour que ça soit plus spectaculaire, on joue directement l'échange entre Pierrette et Jean-Marie. T'as le texte d'ailleurs? On peut se faire une lecture? Oui, bien sûr. J'y vais? Mais je le fais sans imiter Le Pen, hein, pour l'instant. Oui. Juste le texte et l'intention, ok? Oui, vas-y. Et essaye de dire le texte comme si tu tenais l'urne devant toi. Et n'oublie pas que Pierrette est de l'autre côté de la clairière. Parle bien fort. Ok. Ok. Et moi, j'ai quelque chose à jouer? Non, rien. Tiens, tu te mets là. Yann, tu regardes Jean-Marie et tu te tais. Ok, super. Je regarde Jean-Marie et je me tais. Super. Bon, j'y vais. J'y vais, hein. Bon, alors... Pierrette, c'est la guerre. Je te préviens. Désormais, entre nous, c'est œil pour œil, dent pour dent. Oh putain. Ça va pas? Si, t'es super. Mais... Il a vraiment dit ça? J'ai un peu réécrit les dialogues. Et moi, ça va? Oui, oui, tu bouges pas, toi, Ariane. Tu le regardes et surtout, tu continues à te taire. Ok, super. Super, je le regarde et je me tais. Comme ça? Ouais, ouais, parfait. Vas-y, Jean-Marie, on va reprendre toute la réplique, s'il te plaît. Et cette fois, tu essaies avec la voix de Le Pen, ok? Ok. Ok. Ouh, pardon. Je le regarde et je me tais. Super. Attention, tout le monde est prêt? Silence! On répète, là, Benjamin. Moteur? Il n'y a pas de caméra. Action! Une pirette! C'est la guerre, je te préviens. Désormais, n'est-ce pas? Entre nous, c'est œil pour œil et dent pour dent, Pierrette. N'est-ce pas? Si tu veux revoir ta mère, rends-moi ma prothèse, n'est-ce pas? Oh putain. En 1986, il y aura des échéances électorales très importantes avec les élections législatives. Si la droite l'emporte, quel rôle est-ce que vous espérez jouer? La véritable échéance, c'est celle de 1988. C'est l'élection présidentielle. Et il appartiendra à la droite nationale de démontrer qu'elle est capable d'obtenir la confiance de la majorité des électeurs nationaux pour pouvoir être capable de battre la gauche au deuxième tour de cette élection. Mais concrètement, ce que vous espérez, c'est de devenir un appoint indispensable à la droite pour l'obliger à appliquer une partie de votre programme. Pas du tout. C'est de prendre le pouvoir pour appliquer nos idées et bien sûr au maximum. Vous savez bien qu'un tel projet est une chimère. Ah bon? Eh bien écoutez, je vous donne rendez-vous en 86 et en 88. Pédagogique. C'est quand même pas mal quand les gens comprennent la chronologie. Donc oui, je propose de commencer ce film par le commencement, par le 5 octobre 1972. On fait une reconstitution de la création du FN à la salle des horticulteurs à Paris, on explique le rôle des uns et des autres, l'influence de Doriot, le rôle d'Alain Robert... C'était qui lui déjà? Mais c'est pas possible! Mais c'est effrayant! Tu veux faire un film sur le FN et tu sais pas qui est Alain Robert? Mais écoute, je suis fatigué, c'était la première journée de tournage, c'est beaucoup de stress. Là, je me concentre sur la conduite, donc je sais plus exactement qui est Alain Robert. Je me souviens du nom, mais... Bon, et puis quoi qu'il en soit, je maintiens qu'il faut ouvrir le film sur un truc plus percutant, plus spectaculaire qu'une réunion. On doit commencer par la création du FN et Alain Robert. Non, on doit commencer par un truc prenant. La scène d'ouverture, c'est 18 mars 1978... l'assassinat, jamais élucidé, de François Duprat dans l'explosion de sa voiture. Boum! Là, le spectateur se demande, mais qui est ce François Duprat? Et là seulement, flashback. On remonte en 1972, aux origines du FN, et on apprend que ce Duprat était justement le numéro 2 du FN au moment de sa création. On fait juste un flashback pour commencer avec quelque chose de fort. Avec la mort de Duprat, on démarre le film sur un meurtre mystérieux d'un personnage sulfureux. Sauf qu'on n'a aucune certitude sur les circonstances de sa mort. Et qu'il y a plein d'autres personnages, beaucoup moins spectaculaires, mais beaucoup plus importants pour la création du parti. Et comme qui, par exemple? Je sais pas, moi, tiens, un nom au hasard. Frank Timmermans, par exemple, dont tu n'as jamais entendu parler, et qui a complètement réorganisé le parti, juste après la mort de Duprat. Il en a posé toutes les bases. Et il y a beaucoup de personnages dans cette histoire, qui viennent de partout, de tous les horizons politiques. Tu connais Victor Barthélémy? Non, évidemment. Eh bien, Victor Barthélémy, il est secrétaire général du FN à sa création en 1972. Mais avant, il avait été secrétaire général du PPF de Doriot. Doriot? Le collabo? Ouais, le Parti Populaire Français. Donc, ce Victor Barthélémy, il fait le lien entre Le Pen et Doriot. Oui, mais avant d'être au PPF, ce même Victor Barthélémy, qui finira au FN, il avait commencé... au Parti Communiste. Ah bon? Comme Doriot. Bah, Doriot, il était au Parti Communiste avant de devenir collabo? Eh oui, ah, c'est compliqué les origines du FN. Bah, je sais, merci. Mais comme d'habitude, Darius, bien scolaire, bien sage, veut tout prendre dans un ordre chronologique. 1972, création du Front National, ça va être d'un chiant. Il faut commencer par le commencement. Il faut commencer par Alain Robert. Mais arrête avec Alain Robert! Plus personne ne sait qui c'est Alain Robert. Tout le monde s'en fout d'Alain Robert. Arrête de nous gonfler avec Alain Robert. Mais si tu ne comprends pas le rôle d'Alain Robert, tu ne comprends rien au FN et à sa création. Bon, bon, ok, allez, t'as gagné, vas-y. Bah, vas-y, raconte, c'était qui ce type? Alain Robert, c'était le patron d'Ordre Nouveau, qui était un groupuscule dur, qui faisait le coup de poing contre les gauchistes et la police. Il se trouve que pour les législatives de 1973, les mouvements d'extrême droite se cherchaient une vitrine respectable. Il y avait déjà eu deux types qui avaient été contactés pour prendre la présidence du futur nouveau parti et qui avaient refusé. Et donc, Ordre Nouveau est allé chercher Jean-Marie Le Pen. Le Pen, c'était que le troisième choix. Ouais. Il avait déjà 44 ans. On n'entendait plus trop parler de lui. Il avait juste été député poujadiste, directeur de campagne de Tixier-Vignancourt en 65. Tixier-Vignancourt, c'était une figure d'extrême droite. Bref, à l'époque, Le Pen, il n'était pas programmé pour devenir le leader du parti. Et il faisait surtout figure de modéré par rapport à Ordre Nouveau. Le Pen, il était juste censé dédiaboliser le mouvement, on pourrait dire, même si on parlait pas comme ça à l'époque. C'est un comble. Le Pen a commencé en faisant exactement ce qu'il a reproché pendant toute sa carrière à Marine. Dédiaboliser l'extrême droite. Exactement. Et alors qu'il devait être là pour faire tapisserie et qu'il était politiquement minoritaire, Le Pen a réussi à conquérir le FN. Le FNUF, ça s'appelait au début, Front National pour l'Unité Française. Ils n'avaient pas un rond. C'est même Stirbois, qui était imprimeur et qui est devenu après un cadre important du parti, qui a offert les premières affiches. Ils n'avaient même pas de quoi se faire dessiner un logo. Ils ont pompé la flamme du MSI, un mouvement néo-facho italien, et ils ont juste changé les couleurs. La flamme du FN, c'est un logo de parti étranger au départ. C'est marrant. Marrant ? C'est la grande internationale fasciste. Jean-Marie et Marine se sont toujours exposés avec des groupes ultra-limites quand ils vont à l'étranger. Et aujourd'hui, la petite dernière, Marion, elle est en couple avec un militant italien de la Ligue du Nord. Au Parlement européen, tout ça va faire un bon gros groupe identitaire. Et ensuite ? Quoi, ensuite ? Comment il a pris le FN, Le Pen, s'il était minoritaire ? Ah, tu vois que ça t'intéresse. En gros, à la création, en 72, le FN, c'est la réunion de deux mouvances. D'un côté, Ordre Nouveau, dirigé par... Alain Robert. Lui-même, Ordre Nouveau, qui a fourni le gros des troupes, donc. Et de l'autre côté, les nationaux. Dirigé par Le Pen, qui est officiellement président du nouveau parti, mais avec beaucoup moins de monde. Quelques ex-poujadistes, des déçus de l'Algérie française et autres. Dès le départ, c'est un marché de dupes, puisque c'est le courant minoritaire qui a la présidence. Je te la fais courte, mais il y a des tensions de plus en plus fortes entre les deux courants. Jusqu'au premier congrès du parti en juin 73, où là, c'est la crise ouverte entre les lepénistes et Ordre Nouveau. Sauf que dans la nuit du 21 juin 73, Ordre Nouveau participe à des affrontements violents contre la Ligue communiste. Et le gouvernement décide de dissoudre les deux mouvements. Exit Ordre Nouveau. Exit Alain Robert. Et Le Pen a le champ libre. Presque. Parce que Alain Robert va se défendre. Il veut s'approprier la paternité idéologique du FN. Comme Maigret, 25 ans plus tard, quand il disait que c'est lui qui avait conçu le programme politique du parti. Exact. Et tout ça commence en 1973, même pas un an après la création du FN. Alain Robert monte une revue qui s'appelle Faire Front et qui utilise le logo du FN. C'est le premier procès pour la possession de la marque Front National. Et c'est Le Pen qui gagne. La justice lui donne raison. Comme contre Maigret 25 ans plus tard. Si la justice lui avait donné tort, on n'aurait peut-être jamais entendu parler de Le Pen. Oh, c'est fou. Lui, qui se prétend anti-système, il doit son ascension à une décision gouvernementale d'interdire son opposant, puis à une décision de justice. Ouais. Bah, parfois la démocratie lutte contre elle-même. Mais on ne pouvait pas deviner ce qu'allait devenir Le Pen. Il ne représentait pas encore une menace. Le FN a débuté tout petit. Ils ont fait leur première réunion devant 70 personnes. À la présidentielle de 1974, Le Pen a récolté 0,75% des voix. 0,75%. On peut dire qu'en un demi-siècle, la petite entreprise s'est bien développée. Mais ça a encore pris beaucoup de temps avant qu'ils arrivent aux portes du pouvoir. Aujourd'hui, le FN revendique en gros 80 000 adhérents. Philippot, en quittant le parti, a dit que la vérité était plutôt deux fois moins. Ok. Bon, alors admettons, aujourd'hui, hypothèse basse, 40 000 membres. 40 000 membres à jour de cotisation au FN. Tu sais combien ils avaient d'adhérents en 1980 ? Combien d'adhérents au FN en 1980 ? Je sais pas, 20 000 ? 10 000 ? Ouais. 5 000 ? Pour l'année 1980, après presque 10 ans d'existence, le FN comptait officiellement au niveau national 280 adhérents. Te voir pour trancher un débat avec Benji. Entrez. Alors, ça s'est passé comment ce premier jour ? Il est comment, Jean-Marie ? Nul. Formidable. Il est formidable. La scène de l'échange était super. Mais on n'en fait pas un peu trop sur Pierrette et le divorce ? On ne devrait pas se concentrer sur la politique ? Ah non ! Là-dessus, je suis d'accord avec Benji. Au FN, c'est hyper important de décortiquer le lien entre la vie du parti et la vie de famille. Et en particulier, les conséquences politiques indirectes du divorce avec Pierrette et l'année 87 sont hyper intéressantes pour ça. Pourquoi 87 ? Ah, le détail ? Oui. Et demain matin, on enregistre une reconstitution de l'interview que Le Pen a donnée à la radio. le détail. 13 septembre 1987, grand jury RTL Le Monde. Le Pen est en pleine ascension. Il joue la dédiabolisation à fond. Il a même enlevé son bandeau sur l'œil au début des années 80. Le FN vient de remporter succès électoraux sur succès électoraux. Les municipales de 83, où ils ont failli rafler la mairie de Dreux à quelques voix près. Puis la première grosse percée nationale avec les européennes de 84. 84, c'est aussi l'année de création de SOS Racisme, qui se développe contre le FN et réciproquement. Quoi qu'il en soit, Jean-Marie est élu député européen pour la première fois et il le restera presque sans interruption. En 1985, nouvelle poussée au cantonal et aux législatives de 86, triomphe, 35 députés. Sous l'étiquette Front National Rassemblement National. Déjà, Marine, elle n'a rien inventé. 35 députés. Merci Mitterrand, merci la proportionnelle. C'est la démocratie. Bref, en 87, le FN a le vent en poupe. La présidentielle de 88 se présente comme la revanche de 81, où Le Pen n'avait pas obtenu ses 500 signatures. Oui, je m'en souviens, en 81. Il avait même appelé à voter Jeanne d'Arc pour le second tour. Ah, on peut lui reconnaître de la constance sur certains sujets. Et c'est là que la famille fait tout voler en éclats. Entre 84 et 87, Pierrette part avec son journaliste. Procès, divorce, engueulade par presse interposée, échange de l'urne contre l'œil de verre, et l'apothéose à l'été 87, Pierrette fait le ménage dans Playboy. À la rentrée de septembre 87, première grosse interview sur RTL, Jean-Marie se crache, tout seul, en plein vol, à quelques mois de la présidentielle. Ouais, c'est un détail qui lui aura coûté cher. Mais c'est pas un accident isolé, je pense. C'est un mode de fonctionnement chez lui. Quand tu regardes sur toute sa carrière, dès que le FN a connu des succès ou a été sur le point de gagner des échéances politiques, c'est toujours là que Le Pen a sorti ses plus grosses conneries. Avec souvent derrière un problème familial. À ce niveau, effectivement, ça tient du sabotage. Exactement comme Marine face à Macron. On pensait tout ce qu'elle, elle voulait le pouvoir, mais c'est tirer une balle dans le pied, comme papa. Bah, tiens, regarde, c'est amusant ce que tu dis ça, parce que j'étais en train de regarder les meilleurs moments du débat du second tour de 2017, justement. Mmh. Je me passais en boucle le moment où elle part en vrille. Et ils sont là. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de ils votre sont parti. Sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce je parle lui a pris du parti de l'extrême. Vas-y, remets. Et ils sont là. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de ils votre sont parti. Sur les réseaux sociaux. Mais je regarde Macron pendant qu'elle lui parle. Là, il doit se dire qu'il a gagné. Hein. La stratégie, c'est moi ou le diable, bah, ça a fini par payer. Il devait pas s'attendre à ce qu'elle soit si nulle. Allez, une petite dernière, pour le plaisir. Et ils sont là. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de ils votre sont parti. Sur les réseaux sociaux. Je parle du parti de l'extrême. Qu'est-ce qui lui a pris à Marine? Elle a sniffé de la poudre de perlimpinpin ou quoi? Elle a fait comme son père, du sabordage. Inconscient, sans doute. À ce propos, j'ai rendez-vous tout à l'heure dans un café avec une psy pour qu'elle me parle de tout ça. Une psy? Mais pas n'importe quel psy, une spécialiste des Le Pen. Ah bon, ça existe? Ah, parce que c'est une spécialité psychiatrique, l'extrême droite? En fait, c'est elle qui a été désignée d'office quand les juges ont demandé une expertise psychiatrique de Marine, au moment où elle a été mise en examen. Ah oui, l'histoire des emplois fictifs au Parlement européen? Non, l'examen psy, c'était pour une autre mise en examen. Ça remonte à décembre 2015, quand elle a publié des photos de Daesh sur son compte Twitter. Mais elle a refusé, non, cette expertise? Bah, évidemment, elle a crié au scandale politique, alors que c'est juste la procédure normale pour tout le monde. Donc, cette psy, elle n'a jamais rencontré Marine, mais elle s'est passionnée pour la famille Le Pen. Il y a de quoi faire, hein. C'est sûr qu'ils auraient besoin d'une bonne thérapie familiale. Ce qui est frappant, et je pense que c'est souvent ce qu'on a remarqué chez vous, c'est qu'on vous dit quelque chose, et ça n'a strictement aucun effet sur vous. Vous avez effectivement la conviction, comme disent les Italiens, d'avoir sempre ragione, toujours raison, c'est-à-dire vous êtes un mur, vous êtes verrouillé de l'intérieur comme une prison, et quoi qu'on vous dise, vous seriez capable d'aller, je suis sûr, dans la Bibliothèque nationale, de regarder des millions de livres, et de dire, avec cette assurance que vous venez d'avoir, des livres, où est-ce qu'il y a des livres? Moi, je n'en vois pas. Et je me demande donc comment vous faites, effectivement, pour que rien de ce que les autres vous disent, à ce point, vous touche un tant soit peu. Et votre méthode, elle est évidente aux yeux de tous, ça s'appelle le parti pris. Vous m'avez exprimé votre vérité, j'ai exprimé la mienne. Il n'est pas étonnant qu'elle soit en discordance. Et ceci vous choque profondément, car vous avez l'habitude d'avoir affaire à des malades qui viennent vous consulter et qui pensent que vous êtes un gourou et que vous devez les diriger. Eh bien, je ne suis pas de vos malades. Et je n'ai pas besoin des conseils d'un psychanalyste. Pas pu en voir moi-même. Moi-même en voir. Donc, je n'ai pas pu moi-même en voir. Je n'ai pas étudié la question, n'est-ce pas? Je n'ai pas étudié spécialement la question. T'es prêt? T'es passé au maquillage? Ben oui, j'arrive. Je finis juste à prendre mes répliques, là. Ok, on t'attend sur le plateau. Hein. Fais vite, s'il te plaît. Oui, oui. Bon, alors... je n'ai pas étudié la question, c'est pas... mais... Les chants, ces adverbes, là... Bah, je n'ai pas étudié spécialement la question, mais... Enfin, je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Si, c'est un point de détail, je veux dire de la guerre, oui. Enfin, écoutez, est-ce que c'est... Voulez-vous me dire que c'est une vérité révélée à laquelle tout le monde doit croire? C'est une obligation morale. Je dis qu'il y a des historiens qui débattent de ces questions. Il y a une immense majorité d'historiens qui l'ont dit et prouvé, et absolument. Quelques autres qui... Non, mais vous-même, M. Le Pen, est-ce que vous considérez qu'il y a eu un génocide de juifs Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de centaines de milliers, peut-être des millions de morts juifs, et aussi de gens qui n'étaient pas juifs, n'est-ce pas? Ah, vous pouvez me repasser la dernière phrase? Oui, pourquoi? Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de centaines de milliers, peut-être des millions de morts juifs, et aussi de gens qui n'étaient pas juifs, n'est-ce pas? Vous entendez? Intéressant ce n'est-ce pas final. Ah, oui, c'est la marque de fabrique stylistique de Le Pen, ça... Ça dénote une certaine élégance, une maîtrise de la langue. Il a toujours eu un vocabulaire très riche, très varié. Oui, bien sûr. À part Nicolas Sarkozy, peut-être, tous les présidents de la République ont montré leur goût et leur maîtrise de la langue française. Le premier des Français se doit de parler le plus beau des Français. Mais dans le « n'est-ce pas » de Jean-Marie Le Pen, j'entends autre chose. Je n'entends pas une question, même rhétorique évidemment. J'entends une affirmation. J'entends « ce n'est pas ». Ce n'est pas. Voilà une parfaite expression inconsciente du négationnisme. Et pas uniquement au plan historique, parce que ce n'est-ce pas ressort tout le temps, à tout propos. Et que nie donc Jean-Marie Le Pen lorsqu'il répète sans cesse « n'est-ce pas ?» On peut dire qu'il finit par se nier lui-même. Ou par nier ce qu'il représente. Vous me disiez par exemple qu'il avait commencé en s'intéressant aux anarchistes, alors qu'il a passé sa vie à vouloir accéder au pouvoir, ou prétendre vouloir y accéder. Et comme par hasard, il dit des horreurs pour se saborder à chaque fois qu'il s'approche de la respectabilité. Paradoxe, il est plein de paradoxes. Le patriarche, viril, mais qui se donne une pucelle pour étendard et adoube sa fille pour sa succession, tout en lui mettant des bâtons dans les roues. Paradoxe. Le candidat du peuple, qui paye l'ISF, quand ça existait encore, qui vit dans un manoir somptueux sur sa colline à Montretout. Paradoxe. Intéressant d'ailleurs d'un point de vue onomastique. Onomastique, c'est l'analyse de la signification des noms propres. Montretout. Montretout, à première vue, si j'ose dire, on pense à de l'exhibitionnisme. Mais c'est le contraire. La pire chose qu'il soit arrivé à Jean-Marie Le Pen, ça a été l'exhibition de sa femme. Montretout, on s'y cache, derrière des murs, derrière des grilles, protégé par des chiens. Et pas n'importe lesquels, hein, les plus dangereux, les Doberman. Montre tout, c'est le contraire de l'exhibitionnisme. C'est pas le lieu où on montre tout, c'est le lieu qui montre tout. D'où on peut voir tout ce qu'il y a à l'extérieur. À l'extérieur de la maison, à l'extérieur de la famille, du parti, du pays. Ah, les étrangers, hein, ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Donc, montre tout, c'est le sommet de la colline où on peut voir tout Paris en étant justement à l'abri des regards. Il faut voir et surveiller plutôt qu'être vu. Vous devriez lire ce bouquin de Lacan, de la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la personnalité. La paranoïa? Ah, j'y avais pas pensé. Mais c'est vrai que Le Pen, il a beaucoup crié au complot, à la traîtrise. Et au-delà de sa personne, montre tout, c'est le siège du pouvoir et de la famille FN-Le Pen. Les deux se confondent. Et si Montretout est une figure de la paranoïa, alors ça donne une grille de lecture pas inintéressante pour comprendre certains aspects de la vie politique du Front National. Vous pensez à quoi ou à qui? À qui? Mais à tous. Maigret, Gollnisch, Lang, Philippot, il n'y a rien qui vous frappe? Ils ont tous été numéro 2 du parti. Oui. Et ils ont tous été éliminés. C'était Jeanne revient. La véritable histoire de la famille Le Pen. De François Perrache. Deuxième épisode. Avec Christine Gagneux, Éric Berger, Elios Noël, Clémentine Verdier, Gabriel Ledose, Élise Caron et Philippe Duquesne. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage, mixage, Stéphane Desmond, Cédric Chatelus. Assistante à la réalisation, Louise Loubrieux. Réalisation, Cédric Aussire.